Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos, adaptation Lise Charles. Premier épisode. Paris, 1782. Cet ouvrage ne contient que quelques-unes des lettres qui composaient la totalité de la correspondance dont il est extrait. Chargé de la mettre en ordre par les personnes à qui elle était parvenue, je n'ai demandé que la permission d'élaguer tout ce qui me paraîtrait inutile. Quant à l'utilité de ces lettres, elle me paraît facile à établir. C'est rendre un service aux mœurs que de dévoiler les moyens qu'emploient ceux qui en ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes. Et ces lettres pourront concourir efficacement à ce but. Nous croyons devoir prévenir le public que malgré le titre de cet ouvrage et ce qu'en dit le rédacteur dans sa préface, nous ne garantissons pas l'authenticité de ce recueil, et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n'est qu'un roman. Il nous semble de plus que l'auteur, qui paraît pourtant avoir cherché la vraisemblance, l'a détruite lui-même, et bien maladroitement, par l'époque où il a placé les événements qu'il publie. En effet, plusieurs des personnages qu'il met en scène ont de si mauvaises mœurs qu'il est impossible de supposer qu'ils aient vécu dans notre siècle. Dans ce siècle de philosophie, où les lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, comme chacun sait, tous les hommes si honnêtes et toutes les femmes si modestes et si réservées. Notre avis est donc que si les aventures rapportées dans cet ouvrage ont un fond de vérité, elles n'ont pu arriver que dans d'autres lieux ou dans d'autres temps. Et nous blâmons beaucoup l'auteur, qui, séduit apparemment par l'espoir d'intéresser davantage en se rapprochant plus de son siècle et de son pays, a osé faire paraître sous notre costume et avec nos usages des mœurs qui nous sont si étrangères. Lettre 1, Cécile Volanges à Sophie Carnet, ce 3 août 1701. Tu vois, ma bonne amie, que je te tiens parole, et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les 4 ans que nous avons passés ensemble. Maman m'a consultée sur tout. J'ai une femme de chambre à moi, j'ai une chambre et un cabinet. Et je t'écris à un secrétaire très joli dont on m'a remis la clé et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever et qu'alors elle me dirait l'heure où je devrais l'aller joindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition. Et j'ai ma harpe, mon dessin et des livres comme au couvent. Il n'est pas encore 5 heures et je ne dois aller retrouver maman qu'à 7. Voilà bien du temps si j'avais quelque chose à te dire, mais on ne m'a encore parlé de rien. Et sans les apprêts que je vois faire et la quantité d'ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu'on ne songe pas à me marier. Cependant, maman m'a dit si souvent qu'une demoiselle devait rester au couvent jusqu'à ce qu'elle se mariât, que puisqu'elle m'en fait sortir, il faut bien qu'il en soit ainsi. Adieu, ma chère Sophie. Je t'aime comme si j'étais encore au couvent. Lettre 2, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 4 août. Revenez, mon cher vicomte, revenez. Que faites-vous chez madame de Rosemonde? Quittez sur le champ votre vieille tante, j'ai besoin de vous. Il m'est venu une excellente idée, et je veux bien vous en confier l'exécution. Mais jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courrez aucune aventure que vous n'ayez mis celle-ci à fin. Vous servirez l'amour et la vengeance. Ce sera une rouerie de plus à mettre dans vos mémoires, oui, dans vos mémoires, car je veux qu'ils soient imprimés un jour et je me charge de les écrire. Madame de Volanges marie sa fille. Et qui croyez-vous qu'elle ait choisi pour gendre? Le comte Gercourt. Qui m'aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt? J'en suis dans une fureur. Eh bien, vous ne devinez pas encore? Oh, l'esprit lourd! Lui avez-vous donc pardonné de vous avoir pris votre maîtresse? Et moi, N'ai-je pas encore plus à me plaindre de lui de m'avoir délaissée pour elle? Mais l'espoir de me venger rassérène mon âme. Vous avez été ennuyée 100 fois, ainsi que moi, de l'importance que met Gercourt à la femme qu'il aura, et de la sotte présomption qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez ses ridicules préventions pour les éducations cloîtrées et son préjugé en faveur de la retenue des blondes. Je gagerais que, malgré les 60 000 livres de rente de la petite Volanges, il n'aurait jamais fait ce mariage si elle eût été brune, ou si elle n'eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un sot. Il le sera sans doute un jour, ce n'est pas là ce qui m'embarrasse. Mais le plaisant serait qu'il débutât par là, comme nous nous amuserions le lendemain en l'entendant se vanter. Car il se vantera, et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si Gercourt ne devient pas, comme un autre, la fable de Paris. Au reste, l'héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie. Cela n'a que 15 ans, c'est le bouton de rose. Gauche à la vérité, et nullement maniérée, mais vous autres hommes, vous ne craignez pas cela. De plus, un certain regard langoureux qui promet beaucoup en vérité. Ajoutez-y que je vous la recommande. Vous n'avez plus qu'à me remercier et m'obéir. J'exige que demain, à 7 heures du soir, vous soyez chez moi. À 8 heures, je vous rendrai votre liberté et vous reviendrez à 10 souper avec le bel objet, car la mère et la fille souperont chez moi. Adieu. Il est midi passé. Bientôt, je ne m'occuperai plus de vous. Lettre 4. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 5 août. Vos ordres sont charmants. Votre façon de les donner est plus aimable encore. Vous feriez chérir le despotisme. Ce n'est pas la première fois que je regrette de ne plus être votre esclave. Et tout monstre que vous dites que je suis, je ne me rappelle jamais sans plaisir le temps où vous m'honoriez de noms plus doux. Souvent même, je désire de les mériter de nouveau, et de finir par donner avec vous un exemple de constance au monde. Mais de plus grands intérêts nous appellent. Conquérir est notre destin, il nous faut le suivre. Peut-être au bout de la carrière nous rencontrerons-nous encore, car, soit dit sans vous fâcher, ma très belle marquise, vous me suivez au moins d'un pas égal. Et depuis que nous séparons pour le bonheur du monde, nous prêchons la foi chacun de notre côté, il me semble que dans cette mission d'amour, vous avez fait plus de prosélytes que moi. Ce langage vous étonne? Mais depuis 8 jours, je n'en parle pas d'autre, et c'est pour m'y perfectionner que je me vois forcé de vous désobéir. Ne vous fâchez pas et écoutez-moi. Je vais vous confier le plus grand projet qu'un conquérant ait jamais pu former. Que me proposez-vous? De séduire une jeune fille qui n'a rien vu, ne connaît rien, qui pour ainsi dire me serait livrée sans défense? 20 autres peuvent y réussir comme moi. Il n'en est pas ainsi de l'entreprise qui m'occupe. Son succès m'assure autant de gloire que de plaisir. Vous connaissez la présidente de Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque. Voilà l'ennemi digne de moi. Voilà le but où je prétends atteindre. Vous saurez donc que le président est absent. Son inconsolable moitié doit passer ici tout le temps de cet affligeant veuvage. Une messe chaque jour, quelques visites aux pauvres du canton, des prières du matin au soir, des promenades solitaires, de pieux entretiens avec ma vieille tante, et quelquefois un triste whist, devait être ses seules distractions. Je lui en prépare de plus efficaces. Adieu, ma très belle amie, sans rancune. Lettre 5. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 7 août. Savez-vous, vicomte, que votre lettre est d'une insolence rare et qu'il n'a tenu qu'à moi de m'en fâcher? Mais elle m'a prouvé clairement que vous aviez perdu la tête et cela seul vous a sauvé de mon indignation. Vous, avoir la présidente de Tourvel. Quel ridicule caprice! Je reconnais bien là votre mauvaise tête, qui ne sait désirer que ce qu'elle croit ne pouvoir pas obtenir. Qu'est-ce donc que cette femme ? Des traits réguliers, si vous voulez, mais nulle expression. Passablement faite, mais sans grâce, toujours mise à faire rire, avec ses paquets de fichus sur la gorge et son corps qui remonte au menton. Je vous le dis en ami, il ne vous faudrait pas deux femmes comme celle-là pour vous faire perdre toute votre considération. Rappelez-vous donc ce jour où elle quêtait à Saint-Roch et où vous me remerciâtes tant de vous avoir procuré ce spectacle. Je crois l'avoir encore, donnant la main à ce grand échalas en cheveux longs, prêt à tomber à chaque pas et rougissant à chaque révérence. Qui vous eût dit alors « Vous désirerez cette femme ?» Allons, vicomte, rougissez vous-même et revenez à vous. Je vous promets le secret. Et puis voyez les désagréments qui vous attendent. Quel rival avez-vous à combattre ? Un mari. Ne vous sentez-vous pas humilié à ce seul mot ? Quelle honte si vous échouez ! Et même combien peu de gloire dans le succès ! Je dis plus, n'en espérez aucun plaisir. En est-il avec les prudes ? Réservée au sein même du plaisir, elle ne vous offre que des demi-jouissances. Ici, c'est bien pis encore. Votre prude est dévote. Et de cette dévotion de bonne femme qui condamne à une éternelle enfance. Peut-être surmonterez-vous cet obstacle. Mais ne vous flattez pas de le détruire. Vainqueur de l'amour de Dieu, vous ne le serez pas de la peur du diable. Et quand, tenant votre maîtresse dans vos bras, vous sentirez palpiter son cœur, ce sera de crainte et non d'amour. Peut-être si vous eussiez connu cette femme plus tôt, en eussiez-vous pu faire quelque chose. Mais cela a 22 ans, et il y en a près de deux qu'elle est mariée. Croyez-moi, vicomte, quand une femme s'est encroûtée à ce point, il faut l'abandonner à son sort. C'est pourtant pour ce bel objet que vous refusez de m'obéir, et que vous renoncez à l'aventure la plus délicieuse. Par quelle fatalité faut-il donc que Gercourt garde toujours de l'avantage sur vous ? Dans ce moment, je suis tentée de croire que vous ne méritez pas votre réputation. Je suis tentée surtout de vous retirer ma confiance. Je ne m'accoutumerai jamais à dire mes secrets à l'amant de Madame de Tourvel. Sachez cependant que la petite Volange a déjà fait tourner une tête. Le jeune Danceny en raffole. Il a chanté avec elle. Ils doivent répéter des duos, et je crois qu'elle se mettrait volontiers à l'unisson. Mais ce Danceny est un enfant qui perdra son temps à faire l'amour et ne finira rien. La petite personne, de son côté, est très farouche. Et quoi qu'il en soit, l'histoire sera beaucoup moins plaisante que vous n'auriez pu la rendre. Aussi j'ai de l'humeur. Adieu. Recommandez-moi aux prières de votre présidente. Lettre 6. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 9 août. Il n'est donc point de femme qui n'abuse de l'empire qu'elle a su prendre ? Et vous-même ? Vous, que je nommais si souvent mon indulgente amie, vous cessez enfin de l'être et vous ne craignez pas de m'attaquer dans l'objet de mes affections ? De quel trait vous osez peindre, Madame de Tourvel ? Quel homme n'eût point payé de sa vie cette insolente audace ? Au nom de l'amitié, attendez que j'aie eu cette femme si vous voulez en médire. Vous lui reprochez de se mettre mal ? Je le crois bien. Toute parure lui nuit. Tout ce qui la cache la départ. C'est dans l'abandon du négligé qu'elle est vraiment ravissante. Grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons, un déshabillé de simple toile me laisse voir sa taille ronde et souple. Une seule mousseline couvre sa gorge, et mes regards furtifs en ont déjà saisi les formes enchanteresses. Sa figure, dites-vous, n'a nulle expression ? Non, sans doute. Elle n'a point, comme nos femmes coquettes, ce regard menteur qui séduit quelquefois et nous trompe toujours. Elle ne sait pas couvrir le vide d'une phrase par un sourire étudié. Et quoiqu'elle ait les plus belles dents du monde, elle ne rit que de ce qui l'amuse. Mais il faut voir, comme dans les folâtres jeux, elle offre l'image d'une gaieté naïve. Comme auprès d'un malheureux qu'elle s'empresse de secourir, son regard annonce la joie pure et la bonté compatissante. Elle est prude et dévote, et de là vous la jugez froide et inanimée. Mais quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas avoir pour la répandre jusque sur son mari et pour aimer toujours un être toujours absent ? Quelle preuve plus forte pourriez-vous désirer ? J'aurai cette femme. Je l'enlèverai au mari qui la profane. J'oserai la ravir au Dieu même qu'elle adore. Quelle délice d'être tour à tour l'objet et le vainqueur de ses remords. Qu'elle croit à la vertu, mais qu'elle me la sacrifie. Que ses fautes l'épouvantent sans pouvoir l'arrêter, et qu'agitée de mille terreurs, elle ne puisse les oublier que dans mes bras. Qu'alors, j'y consens, elle me dise « Je t'adore ». Elle seule, entre toutes les femmes, sera digne de prononcer ce mot « Je serai vraiment le Dieu qu'elle aura préféré ». Je n'ai pas encore prononcé le mot d'amour, mais déjà nous en sommes à ceux de confiance et d'intérêt. Pour la tromper le moins possible, et surtout pour prévenir l'effet des propos qui pourraient lui revenir, je lui ai raconté moi-même, et en m'accusant, quelques-uns de mes traits les plus connus. Vous ririez de voir avec quelle candeur elle me prêche. Elle veut, dit-elle, me convertir. Elle ne se doute pas encore de ce qu'il lui en coûtera pour le tenter. Lettre 7. Cécile Volanges à Sophie Carnet, ce 7 août. Si je ne t'ai rien dit de mon mariage, c'est que je ne suis pas plus instruite que le premier jour. Je m'accoutume à n'y plus penser. J'étudie beaucoup mon chant et ma harpe. Monsieur le chevalier Danceny a la complaisance de venir ici tous les jours et de chanter avec moi des heures entières. Il est extrêmement aimable. Il chante comme un ange et compose de très jolis airs dont il fait aussi les paroles. C'est bien dommage qu'il soit chevalier de Malte. Il me semble que s'il se mariait, sa femme serait bien heureuse. Il n'a jamais l'air de faire un compliment, et pourtant, tout ce qu'il dit flatte. Quand il vous regarde, il a l'air de vous dire quelque chose d'obligeant. Il joint à tout cela d'être très complaisant. Par exemple, hier, il était prié d'un grand concert. Il a préféré de rester toute la soirée chez maman. Cela m'a bien fait plaisir. Il a toujours quelque chose à me dire. Lui et Madame de Merteuil sont les deux seules personnes que je trouve aimables. Mais adieu, ma chère amie. Je vais me mettre à l'étude jusqu'à ce qu'il vienne. Lettre 8. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges, ce 9 août. On ne peut être plus sensible que je le suis, madame, à la confiance que vous me témoignez, ni prendre plus d'intérêt que moi à l'établissement de Mademoiselle de Volanges. Je suis vraiment peinée de ne pouvoir vous offrir de vive voix l'hommage de ce vœu sincère et faire, aussitôt que je le désirerais, connaissance avec Mademoiselle de Volanges. Je compte rester à la campagne tout le temps de l'absence de Monsieur de Tourvel, en la société de la respectable Madame de Rosemonde. Notre retraite est égayée par son neveu, le vicomte de Valmont, qui a bien voulu nous sacrifier quelques jours. Je ne le connaissais que de réputation, et elle me faisait peu désirer de le connaître davantage. Mais il me semble qu'il vaut mieux qu'elle. Ici, où le tourbillon du monde ne le gâte pas, il parle raison avec une facilité étonnante, et il s'accuse de ses torts avec une candeur rare. Je le prêche avec beaucoup de sévérité. Vous qui le connaissez, vous conviendrez que ce serait une belle conversion à faire. Lettre 9, Madame de Volanges à la présidente de Tourvel, ce 11 août. Je ne m'attendais pas, ma jeune amie, à trouver jamais le nom du vicomte de Valmont dans vos lettres. Que peut-il y avoir de commun entre vous et lui? Vous me parlez de sa rare candeur? Oh oui, la candeur de Valmont doit être en effet très rare. Encore plus faux et dangereux qu'il n'est aimable et séduisant, jamais il n'a fait un pas ou dit une parole sans avoir un projet, et jamais il n'eut un projet qui ne fût malhonnête ou criminel. Sa conduite est le résultat de ses principes. Il sait calculer tout ce qu'un homme peut se permettre d'horreur sans se compromettre. Et pour être cruel et méchant sans danger, il a choisi les femmes pour victimes. Je ne m'arrête pas à compter celles qu'il a séduites. Mais combien n'en a-t-il pas perdu? Dans la vie retirée que vous menez, ces scandaleuses aventures ne parviennent pas jusqu'à vous. Je pourrais vous en raconter qui vous ferait frémir. Mais vos regards, pure comme votre âme, serait souillée par de semblables tableaux. De toutes les femmes auxquelles il a rendu des soins, il n'en est point qui n'ait eu à s'en plaindre. La seule marquise de Merteuil fait l'exception à cette règle générale. Elle seule a su lui résister et enchaîner sa méchanceté. J'avoue que ce trait de sa vie est celui qui lui fait le plus d'honneur à mes yeux. Aussi a-t-il suffi pour la justifier pleinement aux yeux de tous, de quelques inconséquences qu'on avait à lui reprocher dans le début de son veuvage. Mais pourquoi resterait-il? Que fait-il donc à cette campagne? Si vous faisiez épier ses démarches, je suis sûre que vous découvririez qu'il n'a fait que prendre un asile plus commode pour quelque noirceur qu'il médite dans les environs. Adieu, ma belle amie. Je suis entièrement à vous. Lettre 14. Cécile Volanges à Sophie Carnet, ce 14 août. Je t'écris, ma chère Sophie, alors qu'il n'est encore que 11 heures. Il faut que je joue de la harpe. Et puis, ma toilette me prendra un peu de temps, car je veux être bien coiffée aujourd'hui. Je crois qu'on devient coquette dès qu'on est dans le monde. Je n'ai jamais eu tant d'envie d'être jolie que depuis quelques jours, et je trouve que je ne le suis pas autant que je le croyais. Et puis, auprès des femmes qui ont du rouge, on perd beaucoup. Madame de Merteuil, par exemple, je vois bien que tous les hommes la trouvent plus jolie que moi. Cela ne me fâche pas beaucoup, parce qu'elle m'assure que le chevalier Danceny me trouve plus jolie qu'elle. Oh, cela m'a bien fait plaisir. Aussi, c'est qu'il me semble que rien que le regarder suffit pour embellir. Je le regarderai toujours si je ne craignais de rencontrer ses yeux, car toutes les fois que cela m'arrive, cela me décontenance et me fait comme de la peine. Adieu, ma chère amie. Je vais me mettre à ma toilette. Lettre 15. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 15 août. J'ai été tenté 20 fois, ma belle amie, de prétexter une affaire, de voler à vos pieds et de vous y demander, en ma faveur, une infidélité à votre amant qui ne mérite pas son bonheur. En vérité, la vie que je mène ici est réellement fatigante par l'excès de son repos et son insipide uniformité. Mais si l'amour est de ne pouvoir vivre sans posséder ce qu'on désire, d'y sacrifier son temps, ses plaisirs, sa vie, je suis bien réellement amoureux. Je n'en suis guère plus avancé. Je n'aurai même rien du tout à vous apprendre à ce sujet, sans un événement qui me donne beaucoup à réfléchir, et dont je ne sais encore si je dois craindre ou espérer. Vous connaissez mon chasseur, trésor d'intrigue et valet de comédie. Il vient de découvrir que Madame de Tourvel a chargé un de ses gens de prendre des informations sur ma conduite, et même de me suivre dans mes courses du matin. Que prétend cette femme? Ainsi donc, la plus modeste de toutes ose encore risquer des choses qu'à peine nous oserions nous permettre. Mais occupons-nous des moyens de tourner cette ruse à notre avantage. Jusqu'ici, ces courses qu'on suspecte n'avaient aucun objet, il faut leur en donner un. Je vous quitte pour y réfléchir. Adieu, ma belle amie. C'était « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chauderlot de Laclos, adaptation Lise Charles. Premier épisode avec Élodie Hubert, Cécile Volanges, Sophie Dole, la marquise de Merteuil, Gabriel Dufay, le vicomte de Valmont, Flora Brunier, la présidente de Tourvel, Evelyne Guimara, madame de Volanges, et Benoît Guibert et Laurent Lederer. Violoncelle baroque et arrangement, Lisa Herbès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Nior, Bastien Varigaud, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zande.